Des ciseaux de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est les Palmarès C'est fou, édition week-end. Bonjour et bienvenue au Palmarès C'est fou, édition week-end. Pour la semaine du 25 septembre 2017, je m'appelle Mathieu Plantin. Et moi, Tania Baudin, on vous parvient des studios de C'est fou à Trois-Rivières. Juste une fois par semaine, j'ai 4 heures de libre devant moi. Là. Est-ce que t'as quelque chose à me suggérer comme activité? Bien, si on regarde ça comme ça, j'ai pas mal 4 heures de palmarès à te suggérer. En deuxième heure, ça va être la portion mishmash, dans laquelle tu vas te retrouver seul, comme d'habitude. C'est comme ça. Tu vas nous présenter la chronique aussi nostalgique Si t'es fou, et tu vas dire au revoir aux pièces qui nous ont quittées depuis la semaine passée dans Palmarès in Peace. Mm-hmm. Ensuite, en troisième heure, ce sera la portion top 10, avec évidemment les positions 10 à 6. On surveillera aussi le top 3 des albums et le top 10 loud. Et tu nous as préparé, pour la fin de l'heure, ton segment de découverte musicale Huile de Palmarès. Et finalement, en quatrième heure, bien, on va avoir la portion top 5. On va savoir si les Michel et Queens of the Stone Age tiennent toujours bon au sommet de nos palmarès. Et en bonus, on va avoir un autre segment de découverte musicale, mais cette fois-ci, édition country. Mm-hmm, mais on commence avec la première portion d'émission et les nouvelles entrées. La rafale des palmarès et fou édition week-end commence tout de suite. Voilà, c'est tout pour l'édition week-end des Palmarès C'est fou. Merci d'avoir été à l'écoute et on se retrouve pour une nouvelle semaine avec notre formule quotidienne. Oh oui, en direct du lundi au jeudi de midi à 13h et en version week-end les samedis à partir de midi. Pour Tania Baudin et moi-même Mathieu Plante, bon week-end, à lundi! Bye! Bye. No, no, no, no.